authentique cartel, chaotique mais ça aussi flawless LK, sens unique production. Ouais, on n'oublie pas le reste. Depuis petit je suis plein de rêves, j'ai toujours espéré la trêve. C'est la guerre dans ma life, alors j'ai toujours fait la grève. Regarde un peu, quand j'emmerde ceux qui m'écrasent, je suis toujours là pour la famille pendant que les autres baissent qui l'écrasent. Vous êtes trop jeune pour me comprendre dans ma ligne de conduite. Y'a pas de fuite dans mes paroles car j'attends un signe de mon 8. Je suis pas de ceux qui donnent pas de sens à leur vie. Alors dis-moi ce que tu penses quand je me décris d'une allure vive. Me prends pas la tête car je suis en quête de vérité. Trop d'abus dans nos labeurs, donc en clair je l'ai mérité. Ce statut de rappeur car je suis loin d'être un détracteur. Texte explosif comme une bombe avec une grosse voix comme réacteur. Je suis le facteur qui vous apporte des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. J'ouvre la porte des merveilles. Je crois qu'il est possible d'avoir une vie si paisible dans une société où je vois les dossiers de ma vie s'épaissir. On écrit casse-tête en froissant l'instru sans délicatesse. On n'oublie pas le reste dans tous nos textes. On dédie la thèse. Ici c'est la guerre et grâce au rap on a choisi nos armes. Les ailes des anges sont blanches et nous on a laissé marcher nos armes. On écrit casse-tête en froissant l'instru sans délicatesse. On n'oublie pas le reste dans tous nos textes. On dédie la thèse. Ici c'est la guerre et grâce au rap on a choisi nos armes. Les ailes des anges sont blanches et nous on a laissé marcher nos armes. Étant petit, j'étais pas ce petit confetti. Ouais. Et que fera-t-on si nos rêves se transforment en confetti? Et quand je fatigue, c'est pas pour mon travail laborieux. T'es mal aux yeux, tu peux contempler l'enfer de la banlieue. Et bordel, j'ai toujours été crédible, honnête. Je ma femme, des gosses et un petit compte au crédit lyonnais. Je suis pas difficile, moi je demande juste une vie toute simple. En attendant, j'attire les galères et les vieilles aspects. Un mauvais aspect qui sûrement ne vous correspond pas. La force à cette chaleur que même toutes les caresses n'ont pas. Dans ma brochure, je taille, alors je bois de la merde en tant que sky. C'est pourquoi qu'on se taille de cette France toujours en stand-by. Quand je vois de la next, mes yeux pétillent comme de l'abattoir. Enfermé dans ma boucherie, je me prépare pour l'abattoir. Génération 89, j'ai testé toutes les sensations. Je te donne un sens à tout, même si les gens disent que je suis sans intérêt. On décrit le casse-tête en froissant l'instru sans délicatesse. On n'oublie pas le reste dans tous nos textes. On dédie la thèse. Ici c'est la guerre et grâce au rap on a choisi nos armes. Les ailes des anges sont blanches et nous on a laissé marcher nos armes. On décrit le casse-tête en froissant l'instru sans délicatesse. On n'oublie pas le reste dans tous nos textes. On dédie la thèse. Ici c'est la guerre et grâce au rap on a choisi nos armes. Les ailes des anges sont blanches et nous on a laissé marcher nos armes. Je me prends plus la tête, je m'embête plus avec des petits détails. Mon but détail, je bicrave du sang gros pendant des petits détails. Dans ma vie, y'a jamais eu d'amour sans coup de surin. Je me mets l'espoir à dos, desperado et je m'y sens coup sur un. Je fais du rap pendant que mes phrases provoquent des quiproquos. Un beat qui sert de but, là ce n'est pas qu'une pique qui profond. Un stylo deep, authentique, je ramène pas un stylo style. Mon stylo deal, les SLK tombent à pic, un peu comme Steve Austin. Pas dans le flow, écoute-tu plutôt dans la phase. L'amertume dans la face, la gentillesse finira dans la vase. L'innocence, je l'achèterai quand j'en aurai marre. Je paie ma dette, la vie me pousse à croire quand Joël m'a. J'ai la pression, car tous mes gavelins sont lourds. Mes gavelins solo, un son qui passerait bien dans la sono. Les frères t'ont dit, si t'as pas d'ennemis, t'as pas de coup de pub. Y'a pas de confiance, si t'as pas d'amis, t'as pas de coup de pub. On décrit le casse-tête en froissant l'instru sans délicatesse. On n'oublie pas le reste dans tous nos textes. On dédie la thèse. Ici c'est la guerre et grâce au rap on a choisi nos armes. Les ailes des anges sont blanches et nous on a laissé marcher nos armes. On décrit le casse-tête en froissant l'instru sans délicatesse. On n'oublie pas le reste dans tous nos textes. On dédie la thèse. Ici c'est la guerre et grâce au rap on a choisi nos armes. Les ailes des anges sont blanches et nous on a laissé marcher nos armes.